Se rallume sans ce doute d'infortune. Il faut que le funambule soit libre de ses tentacules. Se défoule, coule à flot dessous la foule. Rien ne compte, c'est un à-con. Bien après viendra la honte. Marchand de rêve, penses-tu encore à Ève? Tu crois peut-être nous éblouir, on va finir par te haïr. Tu crois que les guignols s'affolent? Pas de quoi faire des paraboles, juste un moment où on rigole.